In a moment, you'll have a chance to hear that section again, plus some new dialogue. Before that, here are four more words and phrases. As usual, écoutez le français, puis l'anglais, et puis le français encore, et répétez. Shall we begin? Nous commençons. Comment? What? Comment? Il ne vient pas. He's not coming. Il ne vient pas. Je crois. I believe or I think. Je crois. Il y a. There is. There are. Il y a.